Excusa, excusa. Ghetto, ghetto, phénomène. En 9-4-1-3, ma capa, cousin. C'est du lourd, ouais, ouais, c'est du lourd. Chez moi, c'est bye bye, compact. Ma capa et le ghetto. Un quotidien rythmé entre la rapa et le bédo. C'est le vélo ou le vaisseau. Tous glissent pour un pétard. Du chèvre à des pétons, un pétot ou des West Coast. Mais moi, j'ai rien de ça. J'suis la rue comme tous mes cassos. Mes sales gosses, du 1-3-9-4, c'est plus le cas postos. 16ème code postal. Où l'immigration trim, déprime. Sans la gote à la banque postale. Ça pèse lourd, ça se referme. Les petits du foot, les petits tout fous. Accusés pourquoi demande à jour du poster. Là y'a pas d'imposture, m'en balègue de tes flashs, tes posters. Viens voir sur scène, tu finis par terre. Et si j'ai fait, ça fait des barres. Pour la jalousie, ben y'aura que des barres. Que des barres, hein. J'vous l'avais dit, hein. Dès le départ, on s'en balègue de toutes ces putes qui se permettent de parler quand t'es pas là. Bon, t'es pas là, moi je rappe attends de toucher la para. C'est Marseille et puis Paris, on fait des actes par Paris. On veut mettre des étrangers, on veut tous des sacs de peur. C'est pour les nègres et les négresses, c'est pour les beurs et les beurettes. Pour les darons, les frères, Rochetard et les serettes. Taka, K.O.F.S, ma capa qui est au phénomène. On est des hommes normal, on se fait nous-mêmes. On fait des sons, des trucs que tu ris, des trucs de ouf dans toutes tes turbos. Tu le vois, c'est 11, 43, c'est du lourd, j'dirais même du surpoids. On met des claques, des paquets de foutettes, mais qu'on n'a pas l'esprit de complète. On veut de la thune, l'oseille, de la main, du pif, du cash, on veut que ça pète. Préparez vos termes, préparez votre enterrement. J'ai tellement ramé, maintenant j'arrive entièrement. Qu'une clé K.O. est tout son poisson de plaisanter. La plupart des MC m'embêtent, c'est bien ce qui me semblait. Parce que chez nous, les petits bras sont pas les coups du rap. Les coups d'homme dans la race, c'est le parle-moi de maille ou négro, ne me parle pas. Faut pas hésiter, on vient représenter les frères décidés à ne pas plaisanter. Fais bélec à tes oreilles. Celle-là c'est pour mes reilles de Marseille. Je veux pas les méchants, respecte la légende. Issue d'un quartier illégal car l'argent c'est alléchant. Ça déconne, welcome, faut pas que ça déconne. Celle-là c'est pour les meufs bien et même pour les petits connes. Pourquoi tu ricanes, vas-y lève ta bécane. Profite de la vie négro car après ce morceau tu calmes. On est là pour faire la diff, on est là pour faire du bif. Qu'est-ce que t'as pas content, bouffons cette maïdique. Il pleut des rimes, oublie pas ton imperméable. C'est impeccable, car c'est M-A-K-A-B-A. Sache que chez nous les petits bras, sont pas des tout du rap. Fais des coups d'un dans la rate. Que je vis et vois me fan. Mangera pour le fun, pas pour l'affiche ni pour les fans. Ouais, je déclare ma femme à l'instru. Tant que c'est permis, liberté d'expression, mon cul. Si je perds, je ferai la zermie. Certains vivent du RMI et d'autres de la sacoche. T'as des amis dans le clé, t'as des amis au hasse et hoche. On te connaît, c'est pas la visa, je suis pas comme ça. Paf de l'intérieur, mental de pute, vie de l'autre, ça. Viser au creuser l'écart, c'est ce qu'on sait faire, frère. Nique les faux et les bâtards qui nous mettent des frères. Je parle en général, râle, normal qu'on râle, râle. Eux sont en Q7, nous en Clio, c'est pas normal, mal. L'égalité des gens, sinon oublie. Obligé de faire des trafics, ils croyaient qu'on roupille. Je veux les pièces, les billets, je laisserai rien, même pas les cents. On m'a cagé les malins, comme le tireur fou mes c'est pour les vaillants mecs, qui lèvent en caïd sous KTM. Ceux qui ont le calibre dans les couilles et ceux qui pissent la ADN. Connexion 1, 3, 5, 9, 4. On veut plus de 9 dames. On veut tous que les gosses crament. Pour les petits qui mettent le bandana, qui se croient dans GTA. Pour les vrais qui m'ont pas balance, même si dans le coup j'étais là. Pour ceux qui font des brings, wow. C'est le mec de quartier. Pour ce qui fait pas ta femme, même si elle a trop les jambes écartées. Si j'arrive fort, te plains pas, gros. J'arrive en plein phare, je veux que tout le monde mette le feu comme à la mort des bengas. Parce qu'ils se baladent en ville des terres et ça avec le gros machin. À ce qu'ils craignent personne, même sans l'effet de la machin. C'est du dur pour de la dure, ouais, mes potes en tueur. À ce sûr pour du shit, ouais, mes potes non plus. À ce si, on a du mal à voir l'état nous la mettre. Tous ces civils qui font les marques nous traquent, faut qu'ils arrêtent. Chacun chez nous les petits bras, sont pas des